إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui de mentionner les fondements salafi tirés de la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Prenez pour modèle les morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. Nous avons vu hier un premier fondement qui est l'obligation de suivre la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Nous allons voir aujourd'hui le deuxième fondement qui est la mise en garde contre les voies innovées qui s'opposent à la voie des pieux prédécesseurs. En effet, si on médite sur les textes du Coran et de la Sunna, on verra qu'en parallèle de l'ordre de suivre le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, est venue l'interdiction des choses nouvelles en religion qui s'opposent à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, on trouve dans le Coran, au verset 38 de Surat al-An'am, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a dit « Ma farratna fil kitabi min shay » Nous n'avons rien omis dans le livre. C'est-à-dire, nous n'avons rien omis dans le Coran. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est complète. Elle n'a pas besoin d'ajouts ni de choses nouvelles. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et complétez sur vous mon bienfait. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc ces versets nous démontrent très clairement que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam est une religion complète, une religion parfaite. Rien n'a été omis. Tout ce dont nous avons besoin a été clarifié pour nous dans le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 59 de Surat An-Nisa فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, si vous êtes en discorde sur un sujet quelconque, qu'est-ce qui nous incombe? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit renvoyez-le alors à Allah et à son messager. C'est-à-dire renvoyez-le au livre d'Allah et à la sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, toutes les discordes et tous les différends se régleront, en prenant pour arbitre, dans nos différends, le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en rejetant tout ce qui s'oppose au livre et à la sunna, parmi les innovations et les choses nouvelles en religion. Et dans Surat al-An'am, au verset 153, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Ceci est ma voie dans toute sa rectitude, ma voie droite. Suivez-la donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront de sa voie. On voit à travers ce verset que la voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'une, et c'est une voie droite. Et autour de cette voie, il y a des sentiers qui nous égarent de cette voie droite. Et comme l'a clarifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith bien connu, lorsqu'il a tracé un trait droit sur le sol, puis des traits obliques à sa droite et à sa gauche, et qu'il a dit « Ceci est la voie d'Allah, le chemin droit, et ceux-là sont les sentiers. Et à chacun de ces sentiers, il y a un diable qui y appelle. » Puis il récita ce verset, de Surat al-An'am, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces sentiers, il y a les sentiers des gens de l'innovation, qui égarent et éloignent du droit chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a très clairement avertis contre le suivi de ces sentiers dans ce verset. Et les versets à ce sujet sont nombreux dans le Coran. Quant aux hadiths, ils sont encore plus nombreux, et on va se contenter ici d'en citer quelques-uns. Et parmi eux, le célèbre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Aisha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, celle-ci sera rejetée. Et dans une autre narration rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, celui qui a accompli une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, elle sera rejetée. Donc ce hadith authentique est très explicite concernant l'interdiction des choses nouvelles en religion. Et d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononçait un sermon, ses yeux devenaient rouges, il élevait la voix et il disait: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Le meilleur des discours est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les choses les plus mauvaises sont celles nouvellement instaurées. Et toute innovation est égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cela dans chacun de ses sermons. Il avertissait contre les innovations, alors que celles-ci n'étaient même pas présentes. En face de lui, il avait ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il n'y avait aucun innovateur parmi eux. Ils étaient tous sur la voie prophétique. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insister et répéter la mise en garde contre les innovations en raison de leur grand danger. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, c'est donc un hadith authentique. On trouve aussi dans le célèbre hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés un jour, puis qu'ils lui ont demandé de leur adresser une recommandation. Et il dit dans celle-ci: celui qui vit parmi vous verra de nombreuses divergences. Ceci est un des signes de la prophétie. Celui qui vit parmi vous verra de nombreuses divergences. Et en effet, de nombreuses divergences ont eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les générations qui ont suivi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit contre l'apparition de ces divergences. Et il nous donne le remède contre celles-ci. Il nous dit: accrochez-vous donc à ma sunnah et à la sunna des califs bien guidés après moi. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires, et prenez garde aux choses nouvellement instaurées, car toute innovation est égarement. Voyez donc à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement mis en garde contre le suivi des innovations. Et il nous a ordonné, en cas de divergence, de revenir à sa sunna et à la sunna des califs bien guidés après lui. Telle est donc la voie que doit emprunter le musulman face aux nombreuses divergences auxquelles il peut faire face aujourd'hui avec l'apparition et la multiplication des gens de l'innovation et des différentes sectes et ainsi de suite. Tu dois revenir à la sunna. Revenir à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna de ses califs bien guidés. Emprunter la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et rejeter et refuser toute chose nouvelle en religion. Car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est égarement. Toute, sans exception. Il ne faut pas penser qu'il peut y avoir parmi les innovations des bonnes choses, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a généralisé son propos. Il a dit: toute innovation est égarement. Tu dois donc avoir la certitude de cela. Ceci est donc un fondement important parmi les fondements de notre religion. Et nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ainsi que les grands imams de l'islam, n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui d'enseigner ce fondement, et ils ont mis cela en pratique en s'écartant, en boycottant et en avertissant contre l'innovation et ses partisans, et ce, de manière explicite, comme on le retrouve dans nombre de leurs ouvrages. L'imam Abu Uthman Ismail al-Sabouni, rahimahullah ta'ala, a dit dans son célèbre ouvrage La croyance des salafs, les partisans du hadith, et ils détestent les gens de l'innovation, Ceux qui ont instauré dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Ils ne les aiment pas. Ils ne leur tiennent pas compagnie. Ils n'écoutent pas leurs paroles. Ils ne les fréquentent pas. Ils ne polémiquent pas avec eux au sujet de la religion. Ils ne débattent pas avec eux. Et ils voient qu'il incombe de préserver ses oreilles d'entendre leur fausseté. Car si ces faussetés passent par les oreilles, elles s'ancrent dans les cœurs et leur nuisent. Et les conduisent au wasawis, les conduisent au doute. En effet, combien sont ceux qui, en raison de leur mauvaise curiosité, vont lire ou écouter les paroles des gens de l'innovation et de l'égarement. Puis après, ils sont dans la confusion. Ils sont perdus au sujet de leur religion. Alors que s'ils s'étaient préservés et avaient pris soin de n'écouter que des gens dignes de confiance parmi les gens de la sunna, ils se seraient préservés de ces doutes et de cette confusion. L'imam Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, connu sous le nom de Ibn Abi Zamanin, rahimahullah ta'ala, a dit, et les gens de la Sunna n'ont cessé de blâmer les gens des passions égarantes, d'interdire de les fréquenter, d'avertir contre leurs troubles, et ils ne considèrent pas cela comme de la médisance, ni comme un dénigrement à leur encontre. En effet, la mise en garde contre les gens de l'innovation, cela ne fait pas partie de la médisance. On a développé ce sujet, pour ceux qui ont suivi avec nous l'épître que l'on a lu avant cette série de cours, la différence entre le conseil et le dénigrement. On a vu à travers les paroles d'Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, différents bénéfices à ce sujet. Abul Muzaffar, Al-Sam'ani, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Al-Intisar, les Ahlil Hadith, et sache que si tu médites sur la vie des compagnons et de ceux venus après eux parmi les pieux prédécesseurs, tu verras qu'ils interdisaient de la manière la plus formelle de débattre avec les gens de l'innovation. Ils interdisaient cela de la manière la plus formelle, et ce afin de prévenir contre leur danger. Combien de personnes sont tombées dans les filets des gens de l'innovation en raison d'une certaine audace qui les a poussés à aller débattre avec eux, parfois sous prétexte de vouloir les ramener à la vérité, alors que bien souvent la personne n'a pas les aptitudes ni les bagages pour cela. Mais elle pense ainsi faire le bien, puis en ressort avec des ambiguïtés et tombe dans leur filet, wallahu al-musta'an. Les compagnons et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils interdisaient de la manière la plus formelle de débattre avec les gens de l'innovation. Et il dit ensuite, rahimahullah, et s'ils entendaient parler d'une personne parmi les gens de l'innovation, ils manifestaient leur désaveu, c'est-à-dire qu'ils se désavouaient de lui, et ils interdisaient aux gens de le fréquenter, de discuter avec lui, de lui parler, et il se peut même qu'ils interdisaient de le regarder. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'ils ordonnaient de s'écarter des gens de l'innovation de la manière la plus stricte. Le cheikh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ali Sheikh, rahimahullah ta'ala, a dit dans une de ses mises en garde contre certains égarés parmi les gens de l'innovation, et il fait partie des sonan, rapportés des salafs de cette communauté, et de ses imams, et de l'imam de la sunna, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, d'être ferme dans le boycott des gens de l'innovation, et dans leur délaissement, et de délaisser le débat avec eux, et de rejeter leurs paroles, et de s'écarter d'eux autant que possible, et de se rapprocher d'Allah en les détestant, les blâmant et les critiquant. Telle est la voie des imams de l'islam, de s'écarter des gens de l'innovation, autant que possible. Vous voyez aujourd'hui dans l'épidémie que l'on a vécue, et qui est encore là, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la dissiper, afin de se préserver du virus, les spécialistes ont conseillé aux gens de s'éloigner les uns des autres, d'éviter les endroits où il y a beaucoup de monde et ainsi de suite, afin de se préserver de ce virus qui est dangereux pour le corps et qui pourrait le tuer. Et bien de la même manière et plus encore, les savants de l'islam, les grands imams de cette religion, ils nous conseillent depuis des siècles de nous écarter des gens de l'innovation et des gens de l'égarement, car le virus de l'innovation, il peut faire périr ton cœur, et la perdition de ton cœur est bien plus grave que la perdition de ton corps. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. L'éminent cheikh, le grand savant de notre époque, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, a dit: ce qui est visé par le boycott des gens de l'innovation, c'est de s'écarter d'eux, de ne pas les aimer, de ne pas les prendre pour alliés, de ne pas leur adresser le salam et de ne pas les visiter, et ainsi de suite. Et le boycott des gens de l'innovation est une obligation. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui se lie d'amitié avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. En effet, les gens de l'innovation, en instaurant dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, en quelque sorte, ils s'opposent à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'ils prétendaient que la religion était incomplète, ou alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait pas transmis parfaitement le message. Donc vous voyez ici que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il s'est servi de ce verset comme preuve de l'obligation du boycott des gens de l'innovation. Et aujourd'hui, il y a des gens qui appellent au laxisme et qui appellent à se mélanger avec les gens de l'égarement parmi les ikhwan, les tablir et autres, et qui prétendent suivre la voie de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Alors qu'en réalité, le cheikh était, tout comme les grands savants de l'islam, parmi les gens de la sunna, très ferme à ce sujet. Tous nos savants, tous nos imams à travers les siècles, ont tous été d'accord sur ce fondement immense, au point que cela devienne une des devises des gens de la sunna, la mise en garde contre les gens de l'innovation. Et afin d'établir ce fondement, ils ont adopté certaines conduites dans la manière d'agir avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Et cette conduite est basée sur différents principes, et on va en citer quelques-uns, inshallah ta'ala. Le premier de ces principes est le blâme des gens de l'innovation et des patients, afin de mettre en garde contre eux et que les gens ne se laissent pas leurrer par eux. Ceci fait partie des principes reconnus par les savants des gens de la sunna depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours. Et je donnais une conférence à ce sujet, intitulée « La légitimité des mises en garde », dans laquelle j'ai mentionné différentes paroles des savants de l'islam à travers les siècles. Et on va citer ici une parole du noble compagnon, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: il y aura une fitna dans laquelle les biens, c'est-à-dire les richesses, seront abondantes. Et on ouvrira le Coran jusqu'à ce qu'une personne dise: j'ai certes lu le Coran, mais je ne vois pas les gens me suivre. Je vais alors le lire publiquement. Il lira ensuite le Coran publiquement, mais les gens le ne suivront toujours pas. Il dira alors: je ne les vois pas me suivre. Il construira alors un lieu de prière dans sa demeure, puis innovera une parole, instaurera une parole nouvelle, qui ne se trouve ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu dit ensuite: prenez garde à ce qu'il a innové, car ce qu'il a innové est un égarement. Allahu Akbar. Méditez sur cette parole immense de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous met ici sévèrement en garde contre les gens de l'innovation. On a l'impression de reconnaître certaines personnes parmi les prédicateurs des gens de l'innovation et de l'égarement aujourd'hui. Il ouvrira le Coran et le lira aux gens, et il verra que les gens ne le suivent pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il innove une parole. Il instaure des choses nouvelles en religion. Il s'adapte aux gens et à leurs passions. Il leur adresse des discours plaisants. Il cherche à les attirer afin d'être suivi, quitte à s'opposer au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et instaurer des choses nouvelles en religion, l'ayadu billah. C'est ainsi qu'agissent les gens de l'innovation aujourd'hui. Étant donné que les âmes de beaucoup de gens ont un penchant pour l'égarement, et que le diable fait de grands efforts pour les égarer. Nombre de personnes, lorsqu'on leur évoque les textes du Coran, de la Sunna, qu'on leur explique comme les expliquaient les grands imams de cette religion, il se peut qu'ils ne trouvent pas ce discours plaisant, car il se peut que ce discours s'oppose à leur passion, il se peut que ce discours s'oppose à leur désir, il se peut que ce discours s'oppose au mal pour lequel penchent leurs âmes. Alors, Tel ou tel prédicateur parmi les gens de l'égarement viennent à eux avec des choses nouvelles, avec des nouveaux procédés, avec des nouvelles paroles, en leur rendant permis ce qui est interdit, en les appelant au laxisme dans la religion d'Allah, en prononçant des discours vers lesquels penchent leurs âmes incitatrices au mal. Ils le suivent alors et s'égarent ainsi du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme sont nombreux ces gens aujourd'hui, qui, recherchant à être suivis, délaisse la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le salafi, celui qui s'accroche fermement au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs rahimahumullahu ta'ala, il sait pertinemment qu'il ne doit pas se laisser tromper par le grand nombre des gens qui suivent la voie du faux. Et qu'en parallèle, il ne doit pas mépriser le petit nombre de personnes qui suivent la voie de la vérité. Car le grand nombre n'est pas une chose qui te permet de distinguer entre le faux et la vérité. Il y aura au jour de la résurrection certains prophètes qui viendront avec très peu de suiveurs. Il y aura même un prophète qui viendra sans que personne ne l'ait suivi. Pourtant, il est venu avec un message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était donc sur la vérité. Et comme la vérité est amère, elle est délaissée par nombre de personnes. C'est pour cela que les gens de l'innovation, qui ont pour but de rassembler les gens même s'ils doivent les rassembler sur les innovations et l'égarement, ils n'hésitent pas à altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour satisfaire les désirs des gens. Ils n'hésitent pas à instaurer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui n'en fait pas partie, afin que leur nombre de suiveurs augmente. Ils n'hésitent pas à s'opposer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire plaisir à leur auditoire, et ainsi de suite. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Comme l'a dit Mu'adh ibn Jabal, prenez garde à ce qu'il a innové, car ce qu'il a innové est un égarement. Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhum, a dit: je ne me suis pas réjoui d'une chose en islam plus que je ne me suis réjoui que mon cœur n'a été touché par aucune de ses passions. C'est-à-dire les innovations. Wallahi, aujourd'hui, le musulman qui est épargné des innovations et qui s'accroche fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit se réjouir. Et il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cet immense bienfait. Tu dois être conscient de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, qu'il t'ait facilité d'emprunter ce chemin alors que la majorité des gens sont dans l'égarement, wal'iyadu billah. Et tu dois faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur cela, car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. Tant que tu es encore en vie, tu ne sais pas ce qu'il adviendra demain. Tu dois donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir, de t'aider à rester ferme sur la sunnah et de te préserver des innovations et de ces gens. Le deuxième principe qu'ont adopté les grands imams de l'islam vis-à-vis de l'innovation et de ces gens, c'est l'interdiction formelle et très stricte de toute innovation, aussi moindre soit-elle. C'est-à-dire que tu ne dois rien mépriser parmi les innovations. Aussi petite soit-elle, elle est gravissime. L'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, a dit: « Et prends garde aux petites nouveautés en religion, car les petites innovations se répètent jusqu'à devenir grandes. Et il en est ainsi pour toute innovation qui a été instaurée dans cette communauté. Elle a commencé petite, ressemblant à la vérité, et alors se sont fait tromper ceux qui l'ont adoptée, puis ensuite ils n'ont pas réussi à s'en délivrer. Elle a alors grandi au point de devenir une religion par laquelle on voue le culte à Allah. Ils se sont alors opposés au droit chemin et sont sortis de l'islam. » Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Certaines personnes, parfois, lorsqu'on leur interdit les innovations, ne se rendent pas compte de la gravité. Ils pensent que, sous prétexte que ce n'est qu'une petite innovation, alors il n'y a pas de danger. Alors que les innovations, elles commencent petites, puis après elles grandissent. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Madarij al-Salikin: les innovations commencent petites et grandissent petit à petit, jusqu'à ce que leur auteur sorte de la religion. C'est-à-dire que c'est une des voies menant à la mécréance. La personne commence par tomber dans les innovations, multiplie les innovations, s'enfonce dans les innovations, commet des innovations de plus en plus graves et de plus en plus grandes, jusqu'à sortir de la religion, wal'iyadu billah. et médite à ce sujet sur l'histoire du peuple de Noé, alayhi salam. Le diable leur a tout d'abord suggéré, après la mort de certains hommes vertueux, d'édifier des statues à leur image, qu'ils nommèrent par leur nom. Et ces statues n'ont pas immédiatement été adorées. Mais ceci fut le premier pas du diable afin de les mener au polythéisme et à la mécréance. C'est-à-dire que lorsque cette génération s'est éteinte, celle qui avait édifié ces statues, et que la science a été oubliée, le diable est revenu aux générations suivantes et leur a suggéré de les adorer. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: ceci nous démontre ce qui est rapporté de certains des pieux prédécesseurs, que l'innovation est la cause de la mécréance. Donc le musulman, il doit prendre garde à toute innovation, car comme on l'a vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que toute innovation est égarement. Également, parmi les principes adoptés par les grands imams de l'islam depuis les premières générations, vis-à-vis des gens de l'innovation, il y a le fait de ne pas les prendre pour amis, de ne pas les fréquenter. Mais il convient aux croyants de s'écarter d'eux et de ne pas se mélanger à eux. On rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit: lorsque Sofyan al-Thawri est arrivé à al-Basra, il a commencé à observer la situation de Ar-Rabi' ibn Subayh et la place qu'il occupait auprès des gens. Il leur a alors demandé quelle est sa voie, quelle est la voie que suit cet homme. Ils lui ont dit: il suit la sunna. Alors Sofyan al-Thawri rahimahullah ta'ala a dit: et qui sont ses fréquentations? Qui sont les gens qu'il fréquente? Qui sont les gens qui l'entourent? Ils ont alors répondu: les gens d'Al-Qadar, c'est-à-dire les gens de l'innovation qui se sont égarés au sujet d'Al-Qadar, au sujet du destin. Sofyan al-Thawri rahimahullah ta'ala dit alors: c'est donc un qadari. Il est semblable à eux étant donné qu'il les fréquente. Et ceci nous montre donc que nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, ne fréquentaient pas les gens de l'innovation. L'imam ibn Battah, rahimahullahu ta'ala, a dit, après avoir mentionné ce récit, qu'Allah fasse miséricorde à Sofyan al-Thawri. Il a certes parlé avec sagesse et a dit vrai. Il a parlé avec science et en accord avec le livre et la sunnah. Puis elle a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 118 de Surat Ali Imran lorsqu'il dit: Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Ô vous qui croyez, ne prenez pas de confidents, ne prenez pas de fréquentation de proches en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Le musulman, il ne doit pas se mélanger aux gens de l'innovation et de l'égarement. Il doit s'écarter d'eux, et ce, afin de ne pas mettre en danger sa religion. Uqba ibn Alqama, rahimahullah ta'ala, a dit: j'étais auprès de Arta ibn al-Mundhir. Alors certaines personnes présentes lui ont dit: que dis-tu au sujet d'un homme qui fréquente les gens de la sunna et se mélange à eux? Mais lorsqu'on évoque les gens de l'innovation, il dit: laissez-moi avec eux, ne me parlez pas d'eux. Alors Arta a dit: il fait partie d'eux, que sa situation ne soit pas confuse pour vous. Uqba dit alors: j'ai réprouvé en moi-même cette parole de Arta. Alors il dit: je me suis rendu auprès de Al-Awza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Awza'i rahimahullah ta'ala, des grands imams parmi les imams des salaf. Et il dit: il décelait souvent ces choses lorsqu'elles lui parvenaient. Il était très perspicace à ce sujet. Il lui a donc mentionné ce qui avait été dit dans l'assise de Arta. Et Al-Awza'i rahimahullah ta'ala a dit: Arta a dit vrai. Et ce qui est juste est ce qu'il a dit. Celui-ci interdit de les mentionner. Comment va-t-on pouvoir mettre en garde contre eux ou se méfier d'eux si on ne les mentionne pas? Comment une personne de la sunna peut-elle réprouver que l'on mette en garde contre les gens de l'innovation et de l'égarement? Si on ne met pas en garde contre eux, comment on va savoir qu'ils sont égarés? Comment on va savoir qu'il ne faut pas emprunter leur voie? Comment on va savoir qu'ils sont dangereux? La seule manière de le savoir, c'est de mettre en garde contre eux. Donc, le musulman, il ne doit pas réprouver cela. Il doit savoir que ceci fait partie des habitudes de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. L'imam Abu Dawud al-Sijistani, rahimahullah ta'ala, a dit: j'ai dit à Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, je vois un homme parmi Ahl al-Bayt avec un homme des gens de l'innovation. Est-ce que je dois cesser de lui parler? L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, lui répondit alors: non, Informe-le d'abord que celui avec qui tu l'as vu est un partisan de l'innovation. S'il cesse de lui parler, alors c'est une bonne chose. Sinon, considère-le comme lui. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: l'homme est évalué en fonction de son compagnon. En effet, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est sur la religion de son ami bien-aimé, de son ami proche. Donc celui qui fréquente les gens de l'innovation, c'est qu'il les apprécie, qu'il a des points communs avec eux. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à lui. L'éminent cheikh Hamoud al-Tuwayjiri, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ce récit, il a dit concernant son application au sujet des gens de l'innovation parmi les contemporains comme le groupe des Tablighs. Il dit, et ce récit, rapporté de l'imam Ahmed, il convient de le mettre en application sur ceux qui font les éloges des Tablighs et qui discutent à leur sujet faussement, ceux parmi eux qui savent que les Tablighs font partie des gens de l'innovation et de l'égarement, et qui malgré tout les complimentent et les défendent, alors celui-ci doit être joint à eux et être traité comme ils sont traités, en le détestant, le boycottant et s'écartant de lui. Et celui qui est ignorant à leur sujet, alors il convient de l'informer qu'ils font partie des gens de l'innovation et de l'égarement et de l'ignorance. Et s'ils ne délaissent pas leurs éloges et leurs défenses après avoir connu leur situation, su ce qu'il en était au sujet de ce groupe, alors il est joint à eux et il est traité comme ils sont traités. Voyez donc à travers cela comment nos savants ont mis en pratique ces récits qui nous sont rapportés de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Celui qui connaît le danger de la secte des frères musulmans, celui qui connaît le danger de la secte des Tablighs, qui connaît leur égarement, celui qui connaît l'égarement des Asha'ira, celui qui connaît l'égarement des Khawarij, des frères musulmans et autres parmi les sectes et les groupes déviants, et qui malgré tout les fréquente, se joint à eux dans leurs séminaires, participent avec eux dans la prédication, s'entraident avec eux dans l'enseignement de la religion. Alors celui-ci, il est comme eux, même s'il prétend être différent d'eux. À partir du moment où il a connaissance de leur situation, il est traité de la même manière que les gens de l'innovation, même s'il prétend être sur la sunna. On voit donc à travers tout cela la position ferme qu'avaient nos imams des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis des gens de l'innovation et de l'égarement. Ceci était donc quelques points concis et résumés concernant ce fondement immense, qui est le deuxième fondement que l'on tire de ce récit, et qui est la mise en garde contre les gens de l'innovation qui s'opposent à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. On verra dans le cours de demain, inshallah, le troisième fondement qui concerne la mise en garde contre le taqlid, contre l'imitation, et la sanctification des hommes et l'exagération à leur sujet, et notamment les vivants parmi eux. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.